luz, madre. Hace buen tiempo hoy. Pero hay una cosa que se me olvidó ayer. Dale la gracia a quien se lo merece. Premier remerciement, il est pour toi le tout puissant. Tu m'as jamais laissé abandonner, t'as toujours été présent. Je te remercie d'être ma lumière la nuit, d'être mon soleil quand dans mes pensées y'a la pluie. Pouvoir compter sur toi jour après jour, ça a pas de prix. Et quand je me sens en manque d'amour, je m'arrête et je prie. Je te remercie de tout m'avoir donné, et je te supplie d'ici de tout nous pardonner. Pardonne-moi quand parfois j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Ce qui est bon pour moi, ça tu es le seul qui sait. Je te fais confiance, t'es mon berger, je suis ta brebis, éveille mes sens. Pour que j'écoute tout ce que tu me dis. Et béni soit le jour où tu m'as fait ouvrir la Bible, où j'ai découvert ta parole qui de tout souci délivre. Et béni soit le jour où tu as envoyé Jésus, qui s'est sacrifié pour nous et qui est la source de notre salut. Et mille merci à Dieu pour pas m'abandonner. Et mille merci à mes parents d'être là à mes côtés. Et mille merci à ceux qui m'ont aidé, ont été là pour moi et que j'ai jamais remercié. Et mille merci à Dieu pour pas m'abandonner. Et mille merci à mes parents d'être là à mes côtés. Et mille merci à ceux qui m'ont aidé, ont été là pour moi et que j'ai jamais remercié. Mamá, te doy las gracias, canto para ti. Tal vez me faltan palabras para exprimir lo que yo siento y no te demuestro. Pero agradezco por mí todo lo que has hecho. Todos los días te preocupa que no me falte nada. Tú me cuidas, te desgastas, aunque te cansas. Puedes tener la honra de decir que siempre para mí tú has estado aquí. Tú me decías, estudia y no te pon la calle. Yo reía y yo no me recogía. Tú sufrías sin decirme nada. Y yo de fiesta preocupado de nada. Te agradezco de estar aquí por mí. Yo lo que quiero ahora es verte feliz. Que cuando escuches esta canción que te haga sonreír. Desde aquí mi corazón manda un beso para ti. Y mil merci a Dieu pour pas m'abandonner. Mil merci a mes parents d'être là à mes côtés. Et mil merci à ceux qui m'ont aidé, ont été là pour moi et que j'ai jamais remercié. Et mille merci à Dieu pour pas m'abandonner. Et mille merci à mes parents d'être là à mes côtés. Et mille merci à ceux qui m'ont aidé, ont été là pour moi et que j'ai jamais remercié. Hey papa, maintenant c'est pour toi. Je voulais juste te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi et tout ce que tu continues à faire en ce moment. Déjà à l'époque c'était pas facile tout le temps. Tu te levais tôt le matin pour prendre le bus dans le froid. Tu travaillais avec tes mains, tout ça rien que pour moi. Et t'as toujours voulu que j'aille de l'avant. Tu m'as toujours soutenu et cru en moi tout le temps. T'as toujours eu confiance et m'a rarement puni. Et m'a dit depuis l'enfance, file, vas-y moi je te suis. Tu m'as inscrit à la musique quand j'étais tout petit. Pendant que toi tu continuais avec la batterie. Et à l'époque je me rappelle des soirs où on jouait comme des frères. Même fatigué, t'aurais tout fait pour me plaire. Je te dédicace, cette chanson elle est pour toi. D'ici je t'embrasse, je te remercie papa. Et mille merci à Dieu pour pas m'abandonner. Et mille merci à mes parents d'être là à mes côtés. Et mille merci à ceux qui m'ont aidé, ont été là pour moi et que j'ai jamais remercié. Et mille merci à Dieu pour pas m'abandonner. Et mille merci à mes parents d'être là à mes côtés. Et mille merci à ceux qui m'ont aidé, ont été là pour moi et que j'ai jamais remercié. Et mille merci à Dieu pour pas m'abandonner. Et mille merci à mes parents d'être là à mes côtés. Et mille merci à ceux qui m'ont aidé, ont été là pour moi et que j'ai jamais remercié. Et mille merci à Dieu pour pas m'abandonner. Et mille merci à mes parents d'être là à mes côtés. Et mille merci à ceux qui m'ont aidé, ont été là pour moi et que j'ai jamais remercié.